Entre le bien et le mal, nos cœurs en porcelaine peuvent briser. Chaque jour on recolle les morceaux, ça se voit dans nos grands yeux. Après être sorti des blames pro, je garde mon regard brisé. Sur le fil, y'a que Dieu et ma mère qui peuvent me maîtriser. Quitte à quitter le sol, je veux être acquitté seul. Devant mes actes, sans avoir à nettoyer mes mains sales. La tête haute, sur le fil, quoi de pire que de vivre dans le déshonneur. Veulent désunir, tout casser, quitte à foutre le feu dans nos honneurs. Sur le fil, j'ai qu'une seule peur, c'est de mourir seul, tout. Et surtout, suis tout. J'ai peur que le fil se casse. Alors parano, j'ai peur qu'on me saute tout. Comment ne pas tomber en larmes devant son propre fils. Normal que ça pète à câble quand tu vois que les petits ont déjà le vice. Pas beau à voir comme voir tes raclés qui se plantent. Trop de frères qui sur l'autoroute de l'illusion se plantent. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Observé par les anges, profanateur de la flamme. Le mal se venge, brûlant nos foies et nos âmes. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Une corde autour du cou, en équilibre sur une chaise. Funambule sur le fil de la vie, entre fraîcheur et presse. J'ai lâché le bédo, le deal, les voiles et la hagra. J'avoue que ça me tente le spliff et le pop bien gras. J'ai un problème, c'est les foufs, les bonnes bouffes et le pif en rouleau. La garo, les go bien roulés, plus d'alcool au goulot qui coule par le cou. Avoir trop dans le huel, je lève mes yeux au ciel. Trop d'actes parallèles qu'il nous préserve du tigel. Charme mon tapis comme Aladdin, c'est mon esprit qui se balade. Même dans ma salade, je pense à des trucs de malade. Parfois je suis pas bien, ma foi monte, parfois descend. Parfois j'ai des besoins pressants, je me sens sale. Encore convalescent, j'ai honte de mes mains sales d'adolescent. Mon cœur saigne le passé, regarde son bien truc cassé. Honte sur ma famille et mon passé qu'il me pardonne. Maintenant il m'apprécie, mais parfois me cartonne. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Observé par les anges, profanateur de la flamme. Le mal se venge, brûlant nos foies et nos âmes. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Une corde autour du cou, en équilibre sur une chaise. Funambule sur le fil de la vie, entre fraîcheur et presse. En attendant le succès, si Dieu nous l'accorde. On vit très peu dans l'excès, on se replace dans l'ordre. Trop de tentations, hélas, nous ont retardés. Certains le béto ont cessé, pour d'autres ça va pas tarder. Fashion victime sous cessé, à la fin ça va partir. Tu pensais bombarder, mais ça va t'attarder. Aujourd'hui je veux marcher droit, même si c'est la zermie. Alhamdoulilah, j'ai déjà un toit et une vraie famille. J'ai trop squatté les cages, les halls et les postes. Exposer ma rage, surveiller toutes les postes. Des feuilles j'en ai collé, des heures j'en ai tapé. J'te parle de la coller, où on a rien gratté. Crois-moi, j'suis pas un gangsta, juste un père de Mifa qui veut prendre la Yaska sans aller au car plat. Ça tient à rien, à une pastose ou à un fils. Ici c'est tous pour tous et la police au bout du fil. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Observé par les anges, profanateur de la flamme. Le mal se venge, brûlant nos foies et nos âmes. Sex, business, drogue, monnaie et portable. Funk tous les jours, on s'associe au diable. Une corde autour du cou, en équilibre sur une chaise. Funambule sur le fil de la vie, entre fraîcheur et presse. Sur un fil difficile d'être serein, souvent sous. Tenté par des trucs, souvent fou. Tenté par le feu, bien des fois mal est valorisé. Et faire le bien des soi, puis que t'es scolarisé. Dur d'être honnête, facilité du contraire. On évite d'être trop net, quand d'oseille on doit extraire. Mais bon, de badabon y'a qu'un bon. Nocturne au présent, c'est une lueur dans le futur. Plus envie d'être fêtard, j'éteindrai depuis le fœtus. Et les bâtards sont bien vus, beaucoup ont envie de dévier. Regrette quand s'écarte ta vue. Mon vieux, ta réussite fait des envieux. On croit tous en Dieu, mais on trinque avec le diable. Travaille ton crâne et ton diable. Range mon jack, autour de moi c'est New Jack City. Avec des mecs de Gaza, Tunis ou Tizi Ouzou, sortir des sentiers battus. Osons, on a évité les pales et la sonson. Pognon dans la zizik, tentez pas le haram, man c'est physique.